The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Suburbs. La banlieue. To acquire. Acquérir. Property. La propriété. Area. Le coin. To consider. Envisager. Retirement. La retraite. To rent. Louer. Sensible. Sensé. Out of place. Dépaysé. Village. La bourgade. Now, a bit faster. To consider. Envisager. Retirement. La retraite. Sensible. Sensé. Retirement. La retraite. To consider. Envisager. Sensible. Sensé. Out of place. Dépaysé. To acquire. Acquérir. Retirement. La retraite. Sensible. Sensé. Village. La bourgade. Property. La propriété. Area. Le coin. To consider. Envisager. Suburbs. La banlieue. Sensible. Sensé. Out of place. Dépaysé. Suburbs. La banlieue. To consider. Envisager. Now, use the words in context. Acquérir. They're saving up to buy an apartment in Nevada. Ils économisent pour acquérir un appartement dans le Nevada. Envisager. We're considering moving to the south of Spain. Nous envisageons de nous installer dans le sud de l'Espagne. Sensé. The decision that she made was very sensible. La décision qu'elle a prise est très sensée. Dépaysé. Are you afraid of feeling out of place when you get there? Avez-vous peur d'être dépaysé en arrivant là-bas? Envisager. We're considering moving to the south of Spain. Nous envisageons de nous installer dans le sud de l'Espagne. Sensé. The decision that she made was very sensible. La décision qu'elle a prise est très sensée. Dépaysé. Are you afraid of feeling out of place when you get there? Avez-vous peur d'être dépaysé en arrivant là-bas?